Maxi Sud. Je suis Bertrand Venn, responsable du pôle entreprise de l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron. La marque fabriquée en Aveyron, elle a 15 ans cette année, donc elle a été créée et déposée à l'INPI en 2010. Son but est tout simplement de valoriser les transformations, tout ce qui est fabriqué en Aveyron, que ce soit de l'alimentaire ou du non-alimentaire. D'accord. Et quels sont les critères pour ce label par rapport aux entreprises ? Les critères principaux, ce sont déjà que le siège ou l'établissement de fabrication soit situé en Aveyron. Et puis ensuite, il faut qu'au moins 50% du coût de revient final du produit soit imputable à l'Aveyron. D'accord. Et si on peut parler des grands principes et des valeurs de la marque, quels sont-ils ? Ce sont essentiellement les valeurs du territoire, les valeurs de l'Aveyron dont nous faisons la promotion, puisque cette marque, elle porte l'identité aveyronnaise, elle porte les valeurs d'authenticité, de qualité, et c'est ça que nous défendons au travers de cette marque. D'accord. Cette marque compte combien d'adhérents à ce jour ? Aujourd'hui, elle compte 631 adhérents, donc 631 entreprises qui bénéficient de l'agrément pour un ou plusieurs produits, car l'agrément fabriqué en Aveyron n'est pas donné à une entreprise pour la totalité de ses activités, mais bien produit par produit ou famille de produits par famille de produits. Voilà. Et initialement, ce label appartient à qui ? Alors, il appartient à la propriété et celle du département de l'Aveyron, du conseil départemental. En revanche, la gestion est confiée à l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme que je représente, et au travers d'un comité d'agrément dans lequel siègent l'agence, le département et les trois chambres consulaires. L'édition de Baraqueville est la 7e édition du Salon fabriqué en Aveyron. On a aujourd'hui 72 exposants sur cette édition de Baraqueville. On a la joie de s'apercevoir sur chaque édition que les Aveyronnais découvrent, redécouvrent leurs produits et leur savoir-faire avec beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est dans cela que tient le succès de cette manifestation du Salon du fabriqué en Aveyron. On s'aperçoit que toutes les générations s'intéressent à ce savoir-faire et que de plus en plus, même les repreneurs sont jeunes. Oui, tout à fait, oui. Ça intéresse toutes les générations. D'ailleurs, hier après-midi, nous avons accueilli plus de 200 jeunes collégiens et également de BTS qui sont venus visiter le salon et qui l'ont découvert avec beaucoup de plaisir.